J'ai organisé mon terrier. Et il m'a l'air... Mais... bien réussi. De dehors, qui ne mène en point grand nulle part. La véritable entrée, à quelques mille pas cachés, de mon habitation trouve de là. Elle est aussi bien défendue puisse l'être ainsi qu'une chose monte. À l'intérieur, puis à l'extérieur, ce qu'on a été à l'intérieur. On se sent vide. Manger et être mangé, pour que l'extérieur devienne l'intérieur, et pour être à l'intérieur de l'extérieur. Mais cela ne suffit pas. Et à l'intérieur de soi, il n'y a toujours rien.